Ma chérie, je t'aime, pourquoi tu es pas là? Quand je reviens pour lui, je m'emmène en balade. Mais t'es la nuit, elle va me traîner malade. Et ça, petit coule ton mascara. La vie très faut qu'on vive ça. L'esprit décide ça. Des filles comme toi, y'en a pas 200. Les disputes, on évite ça. La vie très faut qu'on vive ça. L'esprit décide ça. Des filles comme toi, y'en a pas 200. Les disputes, on évite ça. Juste un bisou. Et ce soir, on oublie tout. Juste un bisou. Sur une belle vue avec mon bijou. Je me fais discret avec Maria. Je crois bientôt, je vais la marier. Je suis dans mon coin, tu connais Nia. Pas des fatigués. C'est ma chérie, mon top modèle. Premier regard, je suis tombé love d'elle. Mettant de côté toutes les querelles. Mon bébé, c'est la plus belle. Ma chérie, je t'aime, pourquoi t'es pas là? Quand je reviens, promis, je t'emmène en balade. Vu que t'es la plus belle, mon cœur, il est malade. Et ça pète, coule ton mascara. Ma chérie, je t'aime, pourquoi tu es pas là? Quand je reviens, promis, je t'emmène en balade. Vu que t'es la plus belle, mon cœur, il est malade. Et ça pète, coule ton mascara. Oh mademoiselle, fais pas ta belle quand tu es loin de moi. Oh mademoiselle, fais pas ta belle. Je fais là, c'est pour toi, toi, toi. Tu sais, pour nous, je ferai tout, tout, tout. Je te passe la bague, moi j'ai le 4 à nous. Si j'ai fait du mal, c'est que par amour. Tu dois m'épauler. Je suis désolé si j'ai trop sonné. Ton cœur à toi, qui peut m'apaiser? Je suis désolé si j'ai trop sonné. C'est trop pour moi. Laisse pas s'il te plaît. C'est toi la frappe, bébé, t'es trop canon. C'est trop pour moi, me laisse pas s'il te plaît. C'est toi la frappe, bébé, t'es trop canon. Ma chérie, je t'aime, pourquoi t'es pas là? Quand je reviens, promis, je t'emmène en balade. Vu que t'es la plus belle, mon cœur, il est malade. Et ça pète, il coule ton mascara. Ma chérie, je t'aime, pourquoi tu es pas là? Quand je reviens, promis, je t'emmène en balade. Vu que t'es la plus belle, mon cœur, il est malade. Et ça pète, coule ton mascara. Oh mademoiselle, fais pas ta belle quand tu es loin de moi. Oh mademoiselle, fais pas ta belle quand tu es loin de moi. Mmh. Thank you.